tu penses à l'amour, un beau jour de ta vie. Si tu as dans le cœur une place pour lui, si tu veux que des mains se referment sur toi. Si tu penses à l'amour, pense d'abord à moi. Tu cours après les vents de tous les horizons, sur tous les continents tu trouves une maison. Mais t'en feras le tour et au bout de tout ça, si tu penses à l'amour, je t'en prie pense à moi. Si tu penses à l'amour, un beau jour de ta vie. Si tu te sens perdu au milieu de la nuit, souviens-toi qu'une femme t'attend depuis toujours. Souviens-toi que je t'aime.